إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 13 dans l'explication du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, qui est le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid de Sheikh Saleh al-Fawzan. Et on est dans le chapitre 8, aujourd'hui on commence le chapitre 8. Chapitre 8, Babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Ar-ruqa, c'est le pluriel de ruqya. Et at-tama'im, c'est le pluriel de tamima. Et ar-ruqya, on a mentionné dans les cours précédents que c'était de réciter le Coran sur quelqu'un dans le but de le guérir de quelque chose, d'un malaise ou d'une maladie, ou bien de quelque chose qui lui a fait mal ou qui lui a fait du tort, ou d'une maladie. Et at-tama'im, on a expliqué au dernier cours également que ce sont qu'est-ce qu'on appelle les amulettes. Et donc, avant de commencer le cours, donc le Cheikh Saleh al-Fawzan, dans le Sharh, il explique la raison pour laquelle le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Il dit: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقدة التوحيد من الرقى والتمائم والشرك من الرقى والتمائم الشركية. Donc c'est-à-dire que la raison pour laquelle on a mentionné ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid, c'est parce que c'est la suite de la mention des choses qui viennent faire une brèche ou viennent nuire au tawhid et à la aqida du tawhid parmi les différentes catégories de ruqya et les différentes formes de tama'im qui sont reliées au shirk. Ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im ay min an-nahy 'amma la yajuz minha min an-nahy 'amma la yajuz minha, c'est-à-dire la mention de qu'est-ce qui a été dit au sujet des différentes formes de ruqya et des différentes formes de tama'im, c'est-à-dire l'interdiction de ces choses-là, l'interdiction de ce qui n'est pas permis parmi ces choses. Donc on va parler de ça aujourd'hui, inshallah. Et justement, je voulais lire la petite introduction que le Cheikh Saleh al-Fawzan avait écrit justement au sujet de ce chapitre-là dans son livre I'anatul Mustafid, juste pour donner un petit peu plus de clarification. Puis c'est pas long, c'est juste un petit paragraphe, mais ça nous aide à comprendre un peu plus ce chapitre. Donc le Cheikh il dit: هذا الباب مناسبته لما قبله وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها أو ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، أما هنا فلم يصرح بل قال ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم في الترجمة وإنما يورد الأدلة في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا فهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها لأن الأمر خطير جدا. Donc ça c'est l'introduction que je voulais vous lire. Le cheikh explique que la raison pour laquelle donc ce chapitre est mis à la suite de l'autre, c'est-à-dire le chapitre précédent, c'était le chapitre au sujet de ce qui fait partie du shirk, c'est de porter un collier ou une corde ou quelque chose de ce genre dans le but de repousser un mal, dans le but d'enlever un mal ou de le repousser. Et ce chapitre maintenant, au sujet des ruqa et des tama'im, c'est en fait quelque chose qui vient compléter le chapitre précédent. Sauf que dans le chapitre précédent, c'est-à-dire au dernier cours, dans les deux derniers cours, donc le cheikh, je continue, le cheikh il dit dans le cours précédent et dans le titre, on a vu que le cheikh Al-Fawzan il a mentionné que le fait de porter un collier ou une corde, que ça faisait partie du shirk. Et il l'a mentionné de façon claire et explicite dans le titre. Tandis que dans ce chapitre ici, il ne mentionne pas de façon explicite que ce qu'il mentionne fait partie du shirk. Il dit seulement ce qui est mentionné ou ce qui est venu au sujet de la ruqya ou des ruqa et des tama'im. Pluriel de ruqya et de tamima. Donc, le cheikh explique que ça fait partie de la précision, en fait, dans la compréhension du cheikh et de à quel point sa science et à quel point sa compréhension est précise et subtile. Il comprend les subtilités et il le mentionne dans ce qu'il écrit. Rahimahullah. Pourquoi? Parce que lorsque le verdict d'une chose est mentionné clairement dans les textes, alors dans ce cas-là, il le mentionne dans le titre. Toutefois, lorsque le verdict au sujet de cette chose n'est pas mentionné de manière détaillée ou de manière claire et qu'il y a une possibilité qu'il y ait des détails au sujet de la question et qu'il y a des possibilités que la chose soit plus nuancé, alors dans ce cas-là, il ne dit pas les choses de façon déterminante et tranchante et certaine. Donc il laisse là le titre ouvert pour justement être capable de détailler dans le chapitre par la suite pour expliquer le verdict de manière plus détaillée. Et ça fait partie de la compréhension très précise du cheikh. Justement, et à quel point il faisait attention de ne pas émettre des verdicts de façon générale et absolue, alors qu'il n'y avait pas justement de verdict qui était précis au sujet de la question. Donc, quand c'est le temps de détailler, il détaille, et quand c'est le temps de trancher et de clarifier, parce que les preuves sont claires au sujet de la question, alors dans ce cas-là, il tranche et il clarifie, comme cela est mentionné dans les textes. Et donc, le fait de suivre cette méthodologie-là et d'agir de cette manière, ça éduque les étudiants en sciences islamiques à cette caractéristique-là qui fait partie des très bonnes caractéristiques chez les étudiants en sciences, c'est-à-dire de faire attention et de prendre des précautions au sujet d'attribuer ou d'établir des règles, de ne pas les établir de manière générale ou globale sans vérifier qu'est-ce qui est exact et qu'est-ce qui est confirmé par les textes dans ces différentes règles-là. Parce que c'est une chose, bien entendu, qui est très dangereuse de dire que quelque chose est shirk ou kufr ou halal ou haram, yani, et de le faire comme ça sans vérifier. Et naam. Donc, Inch'Allah va continuer dans le livre Al-Mulakhas pour comprendre la suite, yani, de qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan explique dans le résumé. Il dit, Fis Sahih, donc le hadith qui est mentionné, le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, Fis Sahih, عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et également par Abu Dawood. Selon Abi Bashir al-Ansari, radiyallahu anhu, il dit qu'il était dans un voyage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé un messager, et il lui a dit de ne rien laisser comme collier, yani accroché au cou des bêtes, accroché au cou des animaux, que ce soit un collier fait à partir d'une corde d'arc ou bien un collier, yani peu importe, un collier quelconque, c'est-à-dire quelque chose qui est porté, accroché autour de la bête. Donc, s'il trouvait un collier fait à partir de la corde d'un arc ou bien à partir d'une corde quelconque, peu importe quelle sorte de collier, il devait la couper du cou de l'animal. Et donc, ça c'est le hadith. Ça c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Le cheikh explique, il dit « wa fi sahih » « wa fi sahihain » parce que dans ce hadith-là est rapporté dans les deux, dans Al-Bukhari et Muslim. Donc, il est dans Al-Sahihain, dans les deux sahih. عن أبي بشير وهو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين. Donc أبي بشير, أبو بشير الأنصاري, c'est un صحابي qui a été présent à la bataille de الخندق et il est mort après 60 ans après la هجرة. نعم. Donc le cheikh explique ensuite le hadith. Donc, comme on a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon en lui disant de ne laisser aucun collier, qilada. Qilada, c'est-à-dire ma yu'allaku fi raqabati al-ba'ir. Fi raqabati al-ba'ir wa ghayrihi. Donc, qu'est-ce qui est accroché au cou des animaux, au cou des bêtes. Min watarin, c'est-à-dire watar, c'est le pluriel de autar. Watarun, c'est le pluriel de autar. Et ici, c'est autar al-qaws. Donc, wahidun min autar al-qaws. Et donc, ça veut dire les cordes de l'arc. La corde de l'arc. Donc, les gens portaient ça, ou faisaient porter ça aux bêtes, ou à eux-mêmes, dans le but de se protéger contre le mauvais œil ou des choses de ce genre. Et il dit « Aw qilada, shakkun min al-rawi, hal al-qilada muqayyadatun bi kawniha min watarin, aw mutlaqa, aw mutlaqatun min al-watari wa ghayrihi. » Donc c'est-à-dire ici qu'on voit que dans le hadith, yani, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne laissez aucun collier autour des bêtes, que ce soit à partir d'un fil d'arc, une corde d'arc ou un collier quelconque. » Donc ça veut dire que ici le narrateur du hadith, il a eu un doute, est-ce qu'on considère tous les colliers qui doivent être retirés ou coupés ou bien uniquement ceux qui sont faits à partir d'arc. Donc il y a un doute du narrateur à ce sujet-là. D'accord, et c'est pour ça qu'il a mentionné où, pour justement expliquer ou clarifier que c'est un ou l'autre, soit que c'est tous les colliers sans exception ou bien c'est en particulier les colliers à partir de la corde d'un arc. Et le cheikh explique la signification générale ensuite du hadith en question. Il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha fi ba'd asfarihi man yunadi fi an-nas bi izalati al-qala'id allati fi riqab al-ibil allati yuradu biha daf' al-'ayn wa daf' al-afat li'anna dhalika min ash-shirk alladhi tajibu izalatuhu. Donc, le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un de ses compagnons durant un de ses voyages pour couper, hein, en criant parmi les gens en disant de couper tous les cordes qui étaient accrochées au cou des chameaux dans le but de repousser le mauvais œil et de repousser le mal. Parce que cela fait partie du shirk qu'il est obligatoire d'enlever. Et donc c'était ça le message. Et donc dans ce cas-là, peu importe que ce soit avec une corde d'arc ou bien une corde quelconque, peu importe, du moment que la personne le porte dans le but de repousser le mauvais œil, hein, ça veut dire que ça devient du shirk. Et donc dans ce cas-là, c'est obligatoire de le couper ou de l'enlever. Et le cheikh explique wa munasabatu al-hadith lil bab من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك لأنه من تعليق التمائم المحرمة. Donc le cheikh il dit la raison pour laquelle ce hadith est mentionné dans le chapitre, c'est justement du fait que ça indique que le fait d'accrocher à un chameau ou à n'importe quel autre animal une corde ou un fil d'arc ou bien peu importe peu importe quelle autre corde ou quel autre collier qui peut être accroché dans le même sens, dans la même signification pour repousser un mal quelconque, alors dans ce cas-là c'est haram et c'est shirk parce que ça fait partie d'accrocher des amulettes interdites. Et le cheikh il dit ومما يستفاد من الحديث أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith-là? C'est que, premièrement, le fait d'accrocher des cordes pour repousser un mal, ça rentre dans le même verdict que le verdict des tamaim dans l'interdiction. Deuxièmement, ثانياً إزالة المنكر. Donc ça vient confirmer l'obligation de retirer ou d'enlever le mal lorsqu'on voit le mal. وثالثاً, troisièmement, تبلغ الناس ما يصون عقيدتهم. Troisièmement, c'est de transmettre aux gens l'information qui va protéger leur croyance, leur aqida, leur conviction. Donc ça fait partie des bienfaits qu'on peut tirer de ce hadith. Ensuite, le cheikh il explique un autre hadith qui est mentionné dans le chapitre, justement, c'est le deuxième hadith, An ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, إن الرقى والتمائم والتولة شرك, رواه أحمد وأبو داود. رواه أحمد وأبو داود. C'est un hadith qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Hakim, dans Al-Mustadrak, et il l'a authentifié, et Al-Imam Al-Zahabi l'a approuvé, il l'a suivi dans son authentification de ce hadith. Donc, le Cheikh, ici, il l'a mentionné comme ça, dans le Tahrij. Donc c'est un hadith qui est sahih li ghayri. Sahih li ghayri. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah il le mentionne justement dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith numéro 331. Cheikh Al-Albani le mentionne dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith numéro 331. Donc c'est un hadith qui est sahih. نعم. Il est également mentionné dans Sahih al-Jami'. Sahih al-Jami'. Donc, c'est le hadith, dans Sahih al-Jami', c'est le hadith 1633. Donc, on continue. Donc, dans la lecture maintenant de ce hadith, l'explication des différents termes qui sont mentionnés dans ce hadith. سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله. Donc le cheikh il dit que, étant donné que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, à la fin de ce chapitre, bien plus juste après dans ce chapitre, il explique les différents termes utilisés dans ce hadith, il le laisse, il n'explique pas tout de suite, il explique directement la signification générale du hadith. Donc il dit المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. Donc c'est un hadith rapporté par Ibn Mas'ud رضي الله عنه. Il dit j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire que الرقى, le pluriel de Ruqya, et At-Tama'im, le pluriel de Tamima, et At-Tiwala, tout ça fait partie du shirk. Et ça, c'est rapporté, comme on l'a dit, par Ahmad et Abu Daoud. Donc, c'est-à-dire que tout ça, ça fait partie du shirk. On va expliquer les significations de ces différentes choses-là, tout à l'heure, tout de suite, dans quelques instants. Pour commencer, le sens général du hadith, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que le fait d'utiliser ces éléments ou ces choses avec l'intention de repousser un mal quelconque ou de ramener un bienfait quelconque, yani de la part d'autre que d'Allah, hein, de chercher à repousser un bien par ces choses et de ramener un mal, hein, de autre que Allah, ça fait partie du shirk, de faire du shirk avec Allah, d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que personne ne détient la capacité de repousser un mal ou de ramener un bien quelconque, excepté Allah. Et donc, la signification de ce hadith, en fait, et de cette information, c'est l'interdiction de porter ou d'utiliser ce genre d'objet, ce genre de choses, dans le but de repousser un mal ou de ramener un bien quelconque. Ensuite, le Cheikh dit « Wa munasabatul hadith lilbab » أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. La raison pour laquelle ce hadith est mentionné dans ce chapitre, c'est pour expliquer que dans ce hadith, en fait, il y a l'explication et la clarification que l'utilisation de ce genre de choses, de ce genre d'objets mentionnés, fait partie du shirk et que ça vient nuire au tawhid et affaiblir le tawhid. Ensuite, le Cheikh dit wama yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là comme point bénéfique? Le point numéro 1, al-hath 'ala siyanati al-'aqidati mimma yukhillu biha wa in kana yata'atahu kathirun min an-nas. C'est-à-dire le fait d'inciter, c'est-à-dire l'incitation à protéger notre aqida de tout ce qui pourrait venir l'affaiblir ou causer des troubles dans cette aqida, même si beaucoup de gens ont recours à ce genre de choses. C'est-à-dire le fait que beaucoup de gens ont recours à ce genre d'objet ou à ce genre de choses qui vient nuire à notre aqida, vient affaiblir notre aqida ou notre tawhid, eh bien ça ne veut pas dire qu'on doit cesser le fait de mettre en garde ou cesser d'inciter les gens à s'en écarter. Parce qu'il y a des gens comme ça des fois qui pensent que le fait que quelque chose est fait par beaucoup de personnes, que ça veut dire qu'on doit s'abstenir de le critiquer ou le condamner. Hein? Et bien au contraire, c'est lorsque ces choses-là deviennent trop pratiquées et trop présentes, justement que c'est un mauvais signe, que le shirk est en train de s'installer et de s'établir, et plus on le laisse justement s'installer et s'établir, plus il devient difficile de l'enrayer par la suite. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux, hein, et ne pas laisser ce genre de pratique-là, hein, se propager dans la société. Ensuite, le cheikh dit comme point numéro 2, تحريم استعمال هذه الأشياء. تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. C'est-à-dire, le deuxième point, c'est l'interdiction d'utiliser ce genre de choses qui sont mentionnées dans le hadith. Et le point numéro 3, أن هذه الثلاثة المذكورة شرك من غير استثناء. C'est-à-dire que ces choses-là, ces trois choses qui sont mentionnées dans le hadith, font partie du shirk sans aucune exception. Donc ces trois choses font partie du shirk sans aucune exception. Ensuite, le cheikh il mentionne donc les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le livre Kitab al-Tawhid, dans le texte lui-même, où il mentionne justement les différents termes qui sont utilisés dans ces hadiths-là, et il les explique. Il les explique. Donc il dit at-tamaim شيء يعلق على الأولاد من العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى وهي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. Donc le cheikh explique que les tamaim, tamaim c'est le pluriel de tamima comme on l'a dit plusieurs fois, c'est une chose qu'on accroche au cou des enfants, hein, ou bien des adultes même parfois, yani, pour protéger contre le mauvais œil. Le cheikh explique que si qu'est-ce qui a été accroché dans ces amulettes, ça fait partie du Coran, donc si c'est des choses du Coran qui sont accrochées dans ces amulettes, il dit que certains d'entre les salafs l'ont permis, tandis que d'autres n'ont pas donné cette permission de le porter quand c'est le Coran, et ils l'ont considéré comme étant interdit comme le reste des amulettes. Et parmi ceux qui l'ont interdit, hein, il y a par exemple Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ensuite Ar-Ruqa, c'est le pluriel de Ar-Ruqya, hein, et ce sont qu'est-ce qu'on appelle également Al-Azaim. Et il dit wa khassa minhu ad-dalil ma khala min ash-shirk. Donc qu'est-ce qui est permis par les preuves, c'est qu'est-ce qui est exempt de shirk dedans, c'est-à-dire la forme des ruqya qui ne contiennent pas de shirk. Parce qu'on a mentionné que la ruqya, c'est le fait de réciter le Coran sur quelqu'un dans le but de le guérir, ou bien de réciter également des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guérir quelqu'un, ou bien pour éloigner de cette personne quelque chose de mal, une maladie, quelque chose de ce genre. Donc ça c'est la ruqya shar'iyya, quand elle est en accord avec la sharia, elle est basée sur le Coran, elle est basée sur la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il y a des gens qui peuvent faire la ruqya avec des incantations, ou bien avec des paroles qui contiennent du shirk dedans, hein, ou bien qui sont faites des fois en des langues étrangères, inconnues. Donc dans ce cas-là, ça c'est interdit, ça c'est shirk, hein, puisqu'il y a du shirk dedans. Et comme on a mentionné dans les cours précédents, des permissions de faire la ruqya, tant qu'il n'y a pas de shirk dedans, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis en particulier de faire la ruqya contre le ayn, c'est-à-dire contre le mauvais œil, et contre les morsures d'animal pas d'animal, mais d'animaux, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, dans le chapitre Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab, c'est-à-dire celui qui a réalisé le sens du tawhid complètement, il rentre au paradis sans jugement. Donc dans ce chapitre là on a expliqué cette question là on a parlé de ça. Et ensuite il y a un autre mot qui a été mentionné dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, c'est at-tiwala. Le hadith qu'on a mentionné juste avant, c'est at-tiwala. Et at-tiwala, c'est quoi? C'est comme les potions que les gens prennent pour ou bien c'est quelque chose que les gens utilisent pour faire aimer une femme à son mari, pour qu'une femme aime son mari, ou bien pour que le mari aime sa femme. C'est comme une sorte de chose que les gens utilisent. C'est un rapport avec le sihr, en fait, c'est un rapport avec la sorcellerie. C'est quelque chose que les gens prennent pour faire en sorte que, ou bien utilisent dans le but de faire aimer une femme à son mari, ou de faire aimer un mari à sa femme. Bon, donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab comme explication. Le Cheikh Al-Fawzan, il clarifie un peu plus certains de ces termes. Dans la définition de At-Tama'im, il a dit c'est quelque chose qui est accroché au cou des enfants. Donc le Cheikh explique, il dit يُعَلَّقُ عَلَى الْأَوْلَادِ أَيْ بِعَنَاقِ الصِّبْيَانِ, on l'accroche parfois dans le cou des petits-enfants. من العين أي لدفع لدفع لدفع الإصابة بالعين, dans le but de repousser le mauvais œil. والعزائم, العزائم جمع عزيمة, donc جمع عزيمة وقيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات أو تقرأ في ماء ويستقاه المريض أو ويسقاه المريض أو تكتب في صحن ونحوه وتحمى الكتابة أو تمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. Donc العزائم, Cheikh il dit que c'est le pluriel de عزيمة, ça c'est dans la définition de الرقى. C'est l'explication de Ar-Ruqya. On a dit qu'on l'appelle également Azaim. Azaim, c'est le pluriel de Azima. On dit que c'est la récitation des versets de Coran. Donc c'est le fait de réciter les versets de Coran sur la personne qui a une maladie quelconque ou une infirmité ou quelque chose comme ça, hein, ou bien une maladie quelconque. Et puis on récite sur la personne le Coran. Ou bien on récite sur l'eau, puis on fait boire à la personne qui est malade. Ou bien on écrit des versets dans une assiette, on écrit des versets dans une assiette avec une substance qui se dilue dans l'eau, hein. Et puis ensuite qu'est-ce qu'on fait? On efface qu'est-ce qui a été écrit avec de l'eau. Puis, c'est-à-dire, on passe de l'eau sur qu'est-ce qu'on a écrit. Puis, donc, ça fait que ça se mélange avec l'eau. Et on le fait boire aux malades. Donc, ça, c'est ce que le Cheikh a expliqué. Et le Cheikh, il dit, wa khussa minhu ay akhraja min umumihi. Donc, khussa minhu ad-dalil ma khala min ash-shirk. Donc, qu'est-ce qui a été mentionné dans le dalil comme étant permis, c'est qu'est-ce qui est exempt de shirk dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas de shirk. Donc toute ruqya qui est exempte de shirk, elle est permise. والدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى كما سبق في باب من حقق التوحيد. وما خلا من الشرك, ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته المأثورة والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce qui est permis? C'est tout ce qui est exempt de shirk, c'est-à-dire c'est permis, tout ce qui est permis, c'est qu'est-ce qui ne contient aucune forme de shirk, c'est-à-dire qui ne contient pas une façon de chercher l'aide ou le secours de autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans la ruqya il y a une demande d'aide d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce cas-là c'est shirk. Donc il faut que cette ruqya soit faite avec les noms d'Allah, ses attributs ou bien ses versets. Et également, qu'est-ce qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, dans ce cas-là, c'est permis. Mais si c'est autrement, c'est pas permis. Si c'est autre que ça, c'est pas permis. Le cheikh il dit, وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي أن الرقية تنقسم إلى قسمين قسم مشروع وقسم ممنوع فممنوع ما خلى من الشرك والممنوع ما كان فيه شرك ثانيا أن التمائم تنقسم إلى قسمين قسم ممنوع بالإجماع وهو ما يشمل على شرك وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. Donc le cheikh il dit que on peut résumer qu'est-ce qui a été mentionné par l'auteur dans ce chapitre ici au sujet du verdict de ces différentes choses qu'on a mentionnées. On peut le résumer comme suit. Premièrement, la ruqya, il faut savoir qu'elle est divisée en deux catégories, une catégorie qui est permise et une catégorie qui est interdite. La catégorie qui est permise, c'est la catégorie de ruqya qui ne contient pas de shirk. Et la catégorie qui est interdite, c'est la catégorie de ruqya qui contient du shirk. Donc s'il y a du shirk, c'est haram. S'il n'y a pas de shirk dedans, c'est permis. Deuxièmement, qu'est-ce qui a rapport avec les tamaim, les amulettes? On peut les diviser en deux catégories. Il y a une catégorie qui est interdite selon le consensus. C'est tout ce qui contient du shirk. Donc tout ce qui contient du shirk parmi les amulettes, c'est interdit à l'unanimité. Il y a un ijma à ce sujet-là. Il y a un consensus à ce sujet-là. Et il y a une autre catégorie d'amulettes au sujet duquel il y a une divergence. Et c'est les amulettes qui sont composées avec des versets de Coran ou avec du Coran. Dans ce cas-là, certains savants ont dit que c'est permis. Certains parmi les salafs ont dit que c'était permis. Et d'autres ont dit que c'était interdit. Mais la position correcte à ce sujet-là, c'est que c'est interdit, même si c'est avec du Coran. Dans le but de fermer la porte, justement, à l'utilisation des amulettes, de façon absolue, pour fermer la porte complètement, pour bloquer ça, pour que ça soit pas une porte ouverte vers le shirk. Et deuxièmement, une autre raison également, c'est dans le but de protéger et de préserver le Coran aussi. Et pour détailler un peu plus par rapport à ça, qu'est-ce que le cheikh il explique ici? C'est que premièrement, les amulettes, elles sont fermées. Souvent, elles sont fermées. C'est des petites poches de cuir ou bien faites avec un autre matériel, en tissu ou en cuir ou autre, dans lequel les gens ont écrit des paroles ou des versets ou des du'as ou des invocations. Et parfois c'est avec du shirk, parfois c'est avec des choses qui comportent des formes de kofr aussi, puisqu'on a expliqué dans les cours précédents qu'il y a certains sorciers, des marabouts ou autres, qui font des sacrilèges en écrivant des versets avec des choses impures ou des choses de ce genre. Donc c'est du sihr qu'il y a dedans. Et donc il n'y a aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à moins qu'on l'ouvre. Alors dans ce cas-là, on peut pas vérifier lequel est avec le Coran et lequel n'est pas avec le Coran. Et même si c'est avec le Coran, parfois il y a aucun moyen de savoir si c'est pas des exemples de qu'est-ce qu'ils ont fait avec des matières impures pour les créer dans le but de faire du sihr avec, ou des choses de ce genre. Donc pour fermer la porte à ça, on l'interdit complètement. On l'interdit complètement à cause de cet exemple-là, de cette explication-là. Et comme j'avais dit au dernier cours, il y en a qui écrivent même des formes de sihr et de shirk en mettant dans ces différentes amulettes des talismans de shirk, hein, des dessins ou des chiffres, hein, et des choses de ce genre, ou bien des symboles qui ne peuvent pas être déchiffrés ou compris par les personnes qui ne connaissent pas le sihr ou des choses de ce genre. Donc ça c'est donc ça c'est shirk, c'est haram, il n'y a pas de doute. Ou bien des fois ils font des amulettes avec des invocations pour les djinns aussi dedans, donc, avec des langues inconnues. Donc tout ça, ça fait partie de qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est haram. Et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc c'est pour fermer la porte justement à ce genre d'utilisation. On interdit toutes les amulettes sans exception. Et si jamais c'était vraiment une amulette avec le Coran seulement, eh bien ça devient quand même quelque chose d'interdit, dans le sens que pour protéger le Coran, on l'interdit, puisque les gens rentrent aux toilettes avec ces amulettes, et ça c'est un manque de respect envers le Coran, hein, et donc c'est pour cette raison là que on l'interdit également. Et le troisième exemple de ce qu'il mentionne comme règle au sujet de At-Tiwala, le cheikh il dit At-Tiwala tu ممنوعة من غير خلاف لأنه نوع من السحر. Donc en ce qui concerne At-Tiwala, ça il n'y a pas de divergence. At-Tiwala c'est haram complètement, absolument, il n'y a pas de divergence au sujet de son interdiction, puisque c'est une forme de sihr, c'est une forme de magie, de sorcellerie, et donc c'est quelque chose qui est interdit sans divergence. Il n'y a pas de divergence sur At-Tiwala. Hein, c'est les c'est les potions que les gens prennent ou les choses qu'ils utilisent pour faire qu'une femme les aime, ou bien faire qu'un homme les aime, hein, par rapport à la femme et à son mari, ou le mari avec sa femme. Ça c'est des formes de sihr. Et donc ça c'est shirk, c'est haram. Ensuite de ça, il y a une autre parole qui est mentionnée ici, rapportée par At-Tirmidhi. Le cheikh dit an Abdullah ibn Ukaym, Abdullah ibn Ukaym marfou'an. C'est attribué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Abdullah ibn Ukaym, man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi rawahu Ahmad wa Tirmidhi. C'est-à-dire quiconque accroche quelque chose, il est laissé à cette chose-là. Wukila ilayhi ou wukila ilayhi. Donc pour le tahrij de ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Nasa'i, na'am, dans al-Mujtaba fi hukm al-Sahara. Il est rapporté dans al-Sunan al-Kubra. Il est rapporté dans par al-Bayhaqi dans al-Sunan al-Kubra également. Et l'imam Ahmad l'a rapporté dans sa Musnad. Et Ibn Abi Shayba dans al-Musannaf. Également l'imam al-Tirmidhi dans son livre Kitab al-Tib. Et également Cheikh Al-Albani, il a indiqué l'authenticité de ce hadith dans son livre Sahih al-Tirmidhi, wa qala sahihun, et il a invité les gens à retourner au livre Rayatul Maram, le hadith numéro 297. Donc Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Tirmidhi. Donc, il dit, le cheikh, au sujet de ce hadith, Abdullah ibn Ukaym, yukna Aba Ma'bad al-Juhani, al-Kufi, adraka zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa la yu'raf annahu sami'a minhu. Donc, Abdullah ibn Ukaym, on l'appelle Abu Ma'bad al-Juhani, al-Kufi. Il était vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il n'a pas été rapporté, ou bien il n'a pas été connu comme étant ayant entendu de lui directement. Et il a rapporté ce hadith marfou'an, c'est-à-dire en l'élevant au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marfou'an, ça veut dire attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans ce hadith, man ta'allaqa tamimatan, man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Celui qui accroche quelque chose, sans mentionner nécessairement ce que c'est, peu importe qu'est-ce que la personne a accroché comme objet ou comme chose. Cheikh Al-Fawzan, il dit, iltafat qalbuhu an Allah ila shay'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que la personne va mettre, donc cette personne, devant qu'elle porte cette chose, en détournant son cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala vers une chose en laquelle elle croit qu'il y a un bienfait pour elle ou que ça peut repousser un mal quelconque, alors dans ce cas-là, elle est laissée à cette chose. Et ou qu'il a ilayhi, c'est-à-dire, elle est laissée à cette chose. C'est-à-dire, ay wakalahu Allahu ila dhalika ash-shay' alladhi ta'allaqahu min dunihi wa khadalahu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala laisse cette personne à cette chose à laquelle elle s'est accrochée en dehors de lui et elle l'abandonne. Donc lorsque quelqu'un met sa confiance en quelque chose en dehors d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala abandonne cette personne et laisse cette personne à cette chose à laquelle elle s'est accrochée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça signifie. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. La signification générale de ce hadith, يعني le cheikh il dit, هذا حديث وجيز لفظ عظيم الفائدة يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت قلب بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. Donc le cheikh explique, il résume qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un hadith qui est court, qui a peu de mots utilisés ou employés, toutefois le bienfait de ce hadith et la signification de ce hadith, elle est très grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que quiconque ramène son cœur ou bien son action ou bien les deux ensemble, son cœur et son action, il se repose dans ces choses-là, dans son cœur ou dans ses actions, sur une chose en laquelle il a l'espoir pour ramener un bien quelconque ou pour repousser un mal, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala abandonne cette personne à cette chose à laquelle il s'est accroché. Donc quiconque met sa confiance en Allah seul, alors Allah va lui suffire et Allah va lui faciliter toute chose difficile. Mais quiconque met sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'abandonne à cette autre chose et le laisse à cette chose. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. Donc il y a dans ce hadith il y a l'interdiction et l'avertissement contre le fait de s'accrocher notre confiance à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de faire venir un bien quelconque ou de repousser un mal. وما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique? الأول أو أولا النهي عن التعلق بغير الله. Premièrement, l'interdiction d'accrocher notre confiance en autre que en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, وجوب التعلق بالله في جميع الأمور. L'obligation d'accrocher notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les affaires de notre vie. Thalithan, bayan madarrat ash-shirk wa su'i 'aqibatihi. Troisièmement, l'explication du tort que peut causer le shirk et de la mauvaise conséquence du shirk. Hein? Le tort que cause le shirk et les mauvaises conclusions du shirk. Hein? Du fait qu'on est abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on commet le shirk. Rabi'an, anna al-jaza'a min jins al-amal. Un quatrième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala rétribue une action par une rétribution qui correspond. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un accroche sa confiance en autre que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en l'abandonnant à cette chose. Et donc, chaque chose, elle est rétribuée par Allah subhanahu wa ta'ala par une rétribution qui correspond au péché ou qui correspond au bien. Comme il dit dans le bien, par exemple, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. C'est-à-dire la rétribution pour la bienfaisance et le bien, c'est rien d'autre que le bien. Hein? C'est rien d'autre que le bien. Donc ça veut dire que Allah récompense le bien par le bien qui correspond, il récompense le mal par un mal, ou il rétribue le mal par un mal qui correspond à ce mal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 5, anna natijat al-amal tarji'u ila al-amil khayran aw sharran. C'est-à-dire que, comme point numéro 5, que le résultat de l'action, elle revient à la personne, à l'auteur de cette action-là, que ce soit un bien ou un mal. Le résultat de cette action revient à la personne qui a fait l'acte ou l'œuvre lui-même, que ce soit bien ou mal. Ensuite, le cheikh il rapporte un autre hadith qui est rapporté selon Rouaifi' رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam An-Nasa'i, également par Abu Daoud. D'accord? Et l'imam Ahmad, il le mentionne dans sa Musnad, comme on l'a dit. Et Cheikh Al-Albani, il a authentifié ce hadith dans Sahih Al-Jami', le hadith 7910, et également dans Sahih Abu Daoud, hadith numéro 26, et dans Al-Mishkat, le hadith numéro 351. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce hadith? Il dit Ruwayfi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi ابن الحارث من بني مالك ابن النجار الأنصاري ولي ببرقة وطرابلس فافتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56 هجريا. Donc شيخ premièrement il explique qui est Ruwayfi'. Ruwayfi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi ibn al-Harith, ça c'est son nom au complet. Donc il est fils de Thabit, fils de Sakan, fils de Adi, fils de al-Harith, de la tribu de Malik ibn al-Najjar al-Ansari. Il a été le responsable de la région de Burqa, si je ne me trompe pas, et de Tarapolis. Et il a été parmi les conquérants qui ont conquis l'Afrique. Parmi ceux qui ont conquis l'Afrique, qui ont ouvert l'Afrique. en l'an 47. Il est mort dans la ville ou dans la région de Burqa, si ça se prononce comme ça, en l'an 56 Hijri. Donc c'est un sahabi, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Rouaïfi, il se peut que ta vie soit longue. Il se peut que ta vie soit très longue. Alors informe les hommes, informe les gens, que quiconque attache sa barbe, ou bien disons fait des nœuds dans sa barbe, ou bien qui accroche une corde d'arc, ou bien qui utilise pour se nettoyer lorsqu'il fait ses besoins des morceaux d'excréments séchés d'animaux ou bien des os, informe les gens à propos de ces choses-là, que celui qui fait ces choses-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, se désavoue de lui. Donc c'est quoi ces choses-là? Je le répète, celui qui a attaché sa barbe, fait des nœuds dans sa barbe, ou qui a accroché une corde d'arc, ou bien qui s'est essuyé avec des morceaux d'excréments d'animaux séchés, ou bien des os, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Donc, on a expliqué qui était Rouaïfi', et maintenant, on va lire maintenant certaines explications au sujet des termes utilisés dans ce hadith. Donc, la première catégorie de personnes au sujet desquelles Rouaïfi' a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être averti ou d'avertir les gens et d'informer les gens, c'est l'interdiction de faire des nœuds ou d'attacher la barbe. Cheikh il dit: عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا. Donc on a dit au sujet de cette partie là au sujet d'attacher la barbe ou de faire des nœuds dans la barbe, que ça signifiait de la tresser ou bien de la nouer, de faire des nœuds dedans par fierté et arrogance. On a dit également que c'était, comme il dit, waqila ma'nahu mu'alajat ash-sha'r, mu'alajat ash-sha'r liyata'aqqad wa yataja'ad 'ala wajhi at-ta'annus wa at-tana'um. C'est-à-dire de faire en sorte que la barbe, yani de traiter les cheveux, yani de traiter les cheveux de la barbe, les poils de la barbe, pour qu'elles deviennent frisées, ou bien qu'elles deviennent douces et de manière efféminée. Et une autre explication, c'est yani de l'attacher durant la prière. Donc il y en a des ulama qui ont dit que c'est une tradition chez les Perses. أنهم كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا. Donc ça c'était chez les Perses, ils faisaient ça durant les guerres, ils attachaient leur barbe, ils faisaient des nœuds dedans par fierté, par arrogance, et on a été interdit de ressembler au kuffar. Deuxième opinion, c'est المراد به عقد اللحية في الصلاة لأن هذا من العبث في الصلاة والحركة في الصلاة وهذا مكروه في الصلاة لأنه يدل على عدم الخشوع. Donc c'est ça. Deuxième interdiction, c'est-à-dire des gens qui jouent avec leur barbe durant la prière, c'est-à-dire ils font des nœuds dedans, ils l'attachent ou bien ils jouent avec leur barbe durant la prière. Ça fait partie des mouvements détestables durant la prière. Et ça montre que la personne n'est pas concentrée dans sa prière. Et le قول الثالث المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الطرف من تجعيد اللحاهم وتحسيلها وكدها حتى تتجعد. ويقصدون بها الجمال، فهذا يكون من الترف. و أي نعم الشيخ لا بأس أن اللحية تصلح وأنها تنظف وأنها تكرم، ولكن لا يصل إلى هذا لا يصل هذا إلى حد الإسراف. Donc c'est ça, ça c'est l'explication plus détaillée de la question de la barbe. La dernière partie c'est les gens de l'extravagance et de la luxure qui exagèrent au sujet de leur barbe et qui leur font des traitements et des trucs comme ça dans le but de les faire friser ou de les faire boucler ou des choses de ce genre. Bon, ensuite le cheikh il explique la suite, l'interdiction d'accrocher une corde d'arc. Hein, il dit وتقلد وترا وترا يعني جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. Donc ça c'est l'interdiction d'accrocher une corde ou un collier quelconque dans le cou ou dans le cou de la monture de l'animal dans le but de protéger contre le mauvais œil. Donc ça c'est une autre chose qui est mentionnée dans le hadith. Et al-istinja برجيع دابة يعني الذي استنجى يعني استنجى أي أزال النجو أي العذرة عن المخرج برجيع دابة الرجيع الروث وسمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. Donc c'est l'interdiction de s'essuyer lorsqu'on va on fait nos besoins de ce qui sort avec en utilisant al-rawth, on l'appelle rajir, yani d'utiliser les excréments des animaux pour s'essuyer. Il y a des gens qui faisaient ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, de même que les os, les ossements, puisque c'est la nourriture des djinns, comme c'est mentionné dans un hadith également. Et il a mentionné à la suite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ces personnes qui font ça, c'est-à-dire il se désavoue de ces personnes. Et ça, c'est une menace sévère au sujet de la personne qui fait ces choses-là. نعم. Ensuite, le Cheikh explique la signification générale de ce hadith. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها. أي نعم، على وجه ما يتشبهون فيه بالأعاجم أو أهل الطرف والميوعة أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم ويستدفعون بها المحذور أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه صلى الله عليه رضي الله عنه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. Donc le sens général de ce hadith, le cheikh il explique que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم informe ce compagnon Rouaifi' qu'il aura une longue vie jusqu'à ce qu'il rencontre des gens qui contredisent la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la barbe, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser la barbe pousser et de l'honorer. Mais les gens vont quitter ça vers le fait de jouer avec leur barbe d'une manière incorrecte. Ils vont laisser pousser leur barbe et jouer avec en faisant des nœuds ou des choses comme ça, comme font les non-musulmans et également les gens de luxe, de luxure et de et d'extravagance, comment ils font des choses avec leur barbe qui sont incorrectes. Et également, il informe Rouaifa qu'il y a des gens qui vont abandonner la aqida du tawhid en utilisant des moyens de shirk qu'ils vont porter comme des colliers ou des cordes qu'ils vont s'accrocher à eux-mêmes ou à leur monture dans le but de repousser un mal ou de ramener un bien quelconque, comme on l'a expliqué, ou bien des gens vont venir par la suite parmi les catégories mentionnées qui vont utiliser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pour s'essuyer, comme par exemple des morceaux d'excréments d'animaux ou des os, des ossements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé son compagnon Rouaifa en lui disant de transmettre la umma, de transmettre ces choses-là à la umma, que leur prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se désavouait de quiconque faisait ce genre de choses. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظورات وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. Donc la raison de ce hadith dans ce chapitre, pourquoi il est mentionné, c'est parce qu'il y a dedans l'interdiction d'accrocher les cordes, hein, et les colliers. Donc ça c'est de porter ça dans le but de repousser le mal ou des choses mauvaises, ça c'est quelque chose qui rentre dans le shirk. Parce que personne et rien ne peut repousser le mal excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith? Il y a dans ce hadith plusieurs points. Premièrement, Alamun min alamin nubuwa fa inna ruwayfi'an talat hayatuhu إلى سنة 56 هجرياً. Et non, donc il y a un signe de la prophétie dans ce hadith, puisque Rouaifa a effectivement eu une vie très longue. Il est mort en l'an 56 après la Hijra. Deuxième point, وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. L'obligation d'informer les gens de ce qu'ils ont été ordonnés ou interdits parmi ce qui est obligatoire de faire ou d'abandonner. Troisième point, mashru'iyyatu ikram al-lihya wa i'fa'iha wa tahrim al-abath biha bi halqin aw qussin aw 'aqdin aw ta'jid aw taj'idin aw ghayri dhalik. Donc, le cheikh explique. Ok, donc le cheikh explique, il dit la permission du fait d'honorer la barbe, hein, le fait que c'est légiféré et ordonné par l'islam d'honorer la barbe et de la laisser pousser. Et l'interdiction de jouer inutilement avec la barbe, hein, soit en la rasant ou en la raccourcissant, ou en faisant des nœuds avec, ou en la faisant friser, ou des trucs de ce genre. Hein, et d'autres choses de ce genre qui sont mentionnées dans le hadith. Donc, tajid, c'est de la faire friser, de la faire boucler, hein, comme certains font. Hein, sauf si, bien entendu, si c'est bouclé naturel, si ça frise naturellement, donc dans ce cas-là, c'est une chose, mais si quelqu'un l'a fait friser, alors là, c'est l'exemple de l'extravagance que font certains, ou que faisaient certains. Le point numéro 4, تحريم اتخاذ القلائد أو القلادة لدفع المحظور وأنه شرك. L'interdiction de prendre les colliers ou les cordes ou les colliers qu'on a mentionnés, donc dans le but de repousser un mal quelconque, ça fait partie du shirk. Le point numéro 5, تحريم الاستنجاء بالروث والعظام والعظم. L'interdiction de prendre les restants des excréments des animaux séchés ou bien les ossements dans le but de s'essuyer ou de se nettoyer après avoir fait nos besoins. Ça, c'est interdit. Et le point numéro 6, أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر. Donc le point numéro 6, qu'on peut tirer de ce hadith que tous ces différents crimes qui sont mentionnés dans ce hadith sont des grands péchés, sont partie des grands péchés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continue, Inch'Allah, demain, la suite des paroles qui sont mentionnées sur yani, cette question au sujet de ce chapitre. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.